Bonjour à tous, vous êtes sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID. Et aujourd'hui, nous recevons Pascal Quezada qui va nous parler de la selle. Bonjour Pascal. Bonjour Claudie. Bonjour Josy, ma complice. Bonjour. Et tu vas bien? Tu es en pleine forme? Ça va, ma grande, ça va. Voilà, il fait beau. Monique, notre technicienne et chroniqueuse de course. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est un plaisir d'être avec vous et on va rester une heure donc avec vous. Ça va commencer par des petites questions à Pascal. Après, nous parlerons de films, livres, sorties diverses, courses. Voilà. Bon, Pascal, oui. Bon, donc, rebonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire la selle, l'acronyme, ce que ça veut dire? Alors, la selle, à l'heure actuelle, c'est l'association culture, éducation, laïcité. Et avant, ça ne s'appelait pas comme ça? Avant, ça s'appelait la selle, mais c'était la société des écoles laïques. Voilà, et donc ça prêtait à confusion avec une association qui s'occupe de troc. On a surtout voulu faire un petit changement de statut. L'association a changé de statut. Oui. Et dans quelle mesure a-t-elle changé de statut? Eh bien, la société des écoles laïques était avant tout tournée vers la défense de l'école laïque et compléter l'œuvre scolaire des écoles laïques, etc. Nous avons voulu ouvrir nos statuts de manière à faire profiter au maximum de la culture et donc on s'adresse aussi bien aux écoles laïques que aux personnes âgées, quand nous organisons des conférences, c'est ouvert à tout le monde. D'accord, c'est un panel donc de 7 à 77 ans. De 2 à 99 ans. Voilà, parce que les bébés, moi je sais que je suis allée lire aux bébés, et c'est vrai que les bébés aiment les livres, il faut le reconnaître. Tout à fait. Voilà, donc quand même votre but premier c'est la culture. La culture, la mettre à portée de tout le monde. C'est ça. Voilà. Et vous vous trouvez où? Alors, nous organisons nos ventes de livres aux 2 boulevards Bellecroix. À Monteux. À Monteux, c'est-à-dire face à la place de la Glacière. Derrière Saint-Jean. Derrière la statue de Saint-Jean. Voilà, je pense que c'est la mairie qui vous loge. Hein, tout à fait, tout à fait. Nous avons cette chance. Oui, non, mais c'est vrai qu'on a une mairie qui est vraiment dynamique et qui aide beaucoup les associations. Oui. Son but premier, c'est de faciliter la culture. Oui. Indépendamment de religion, d'origine. De voilà, de mettre la culture au niveau. Je vois que vous, vendredi, vous avez une conférence sur l'olive. L'huile d'olive, oui. Et c'est gratuit. Il faut quand même le souligner. Oui, mais c'est ce que nous faisons tout au long de l'année. Nous organisons des conférences gratuites qui sont ouvertes à tous. Et donc là, la prochaine, c'est vendredi sur l'huile d'olive, une histoire millénaire. À 18h30, je crois. À 18h30, à l'Office du tourisme, pour une fois, parce qu'en général... Oui, c'est à la chapelle. C'est à la chapelle des pénitents. Donc, en fait, votre activité, pour faire ces conférences, il faut bien faire quelque chose. Donc, vous avez... Qu'est-ce que vous faites au sein de la SEL? Vous faites des conférences, et puis... Alors, pour financer les conférences, nous organisons des ventes de livres mensuelles. Mmh. Donc, tous les dimanches, les premiers dimanches matin du mois... notre local de boulevard Bellecroix est ouvert et nous invitons et nous accueillons nos acheteurs qui viennent donc acheter des livres d'occasion à très petit prix en très bon état. Oui, c'est vrai. Donc on va faire une petite pause, on va écouter Justin Bieber. Voilà, Justin Bieber, et on se retrouve après et on creusera un peu le sujet. Le meilleur des meilleurs. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time. Cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. Have forgiveness. I know you know that I made those mistakes. Maybe once or twice. By once or twice I mean maybe a couple of 100 times. So let me redeem myself tonight. cause I just need one more shot, a second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. Yeah, I know that I let you down. Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Voilà sur Fly FM 89.9 avec Madame Quezada de la société ACEL, A-C-E-L, je précise, S-E-L. Vous êtes en train de parler des activités, ce que vous faisiez. Donc, on va reprendre au niveau des livres. Donc, je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire par rapport aux conférences et tout ce qui engendre derrière. Eh bien, notre première activité, c'est la récupération de livres d'occasion, en fait. Nous avons de généreux donateurs, on va dire. Ils nous donnent leurs livres de plus en plus en bon état, de plus en plus récents, ce qui nous permet de les mettre à la vente et d'en retirer un bénéfice. Donc les ventes se passent tous les premiers dimanches du mois, le matin, en même temps que le marché, 9h midi. Et donc nous récoltons de l'argent grâce à ces ventes. Grâce à ces ventes que nous rediffusons à travers les conférences que nous payons, par exemple, à travers les dictionnaires que nous finançons. Ah, c'est vous qui financez les dictionnaires? Alors, pour la rentrée en 6e? À 50% le coût des dictionnaires offerts chaque année aux élèves des écoles. Ils sont ravis. Oui, c'est vrai. Et on vous en remercie d'ailleurs. Ouais, c'est, ça, je ne savais pas. Vous savez, moi, on ne sait pas tout. Non. Voilà. Donc, ces livres, vous les vendez À des prix. Et puis, alors, des fois, ils sont neufs, franchement. C'est vraiment dérisoire. On a vraiment beaucoup de chance parce qu'on est de plus en plus connus. Les gens nous amènent des livres en très bon état, vraiment, de plus en plus. C'est vrai qu'au début, il a fallu faire. Un tri. Parce qu'on se retrouvait avec des livres qui avaient passé 10 ans dans une cave, par exemple. Bon. Tout moisi. Mais on peut faire des découvertes surprenantes. Tout à fait. Mais voilà, là, de plus en plus, les gens nous amènent des livres vraiment de l'année. Ah oui, livre très récent. Ah oui. Oui. Ben, je vais falloir que j'aille faire un tour parce que ça me parle. Ben oui, parce que vous allez payer. Oui, moi je fais des cadeaux. Euros, ouais. Un livre tout neuf, très récent, en très bon état, qui coûte 22 euros en librairie. 25 parfois, oui. 6 mois avant. Bien donc, sûr. Pour faire ce travail, il vous faut des adhérents, des bénévoles. Des bénévoles, il faut des bras. Est-ce que vous êtes nombreux dans votre association? Alors, oui et non. On a environ 80 adhérents, c'est-à-dire sympathisants. Tout le monde n'est pas disponible, bien sûr. Donc, ça nous fait plaisir d'avoir autant de monde qui connaissent la selle, qui aiment la selle. Qui la font connaître, bien sûr. Qui la font connaître, qui la font tourner, puisque, en général, ce sont les acheteurs qui prennent leur adhésion aussi et qui nous permettent de vivre. Donc, oui, on a de plus en plus de monde. On voit que quand on organise des conférences, par exemple, au début, on était une petite dizaine. Maintenant, la dernière conférence qui a eu lieu le mois dernier, on était 44 ou 45. Ouais, ça augmente. Ouais. Oui, on a même rajouté des chaises. Donc, ça nous fait extrêmement plaisir. Bon, on va se faire une petite pause et après on va repartir sur les conférences. Et surtout, ce que je vous demanderai tout à l'heure, c'est comment faire quand on a des livres en bon état pour vous les amener quand, comment. Oui, voilà. C'est vrai ça, Claudie. Voilà. Très important. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't. revenir sur Fly FM avec l'émission Bric-à-Brac à Idée et Pascal. Je vais l'appeler Pascal de la Seine. Voilà, nous étions en train de parler. Oui, maintenant on se connaît. Au début, on ne se connaissait pas, maintenant on se connaît. Je voulais vous demander, voilà, vous des gens déménagent, trient chez eux, trouvent des livres. Comment font-ils pour vous les amener ? Oh, c'est pas compliqué. Ils peuvent venir le dimanche matin. Le premier dimanche du mois, lors des ventes. De 9h à 12h. Voilà. Mmh. Deux bouts par le coin. Ils ont le choix. Soit ils nous amènent directement leurs livres là, le premier dimanche du mois, soit ils prennent contact avec nous ce jour-là et on leur donne un numéro de téléphone, on se met d'accord pour ouvrir le local le jour où ils peuvent venir amener les livres. Par exemple, ce dimanche. Par exemple. Mmh. Oui, ce dimanche, c'est le premier. Ça sera ouvert de 9h à 12h. Et je voulais vous dire, est-ce que vous prenez tous les livres, n'importe quoi, des revues, oui. Des encyclopédies des... Oui. Mmh. On ne fait le tri que une fois sur place, suivant l'état du livre, en fait. Oui, c'est mais selon l'état ou selon la... L'intérêt. L'intérêt. Et puis, vous avez des encyclopédies quelquefois très anciennes. Oui, mais on prend tout. D'accord. Mais par contre, les revues, vous dites les revues, il y a des revues, vous pouvez tomber sur des trucs de collection. On a de très très vieilles revues, c'est pas parce pour qu'il y a ça des que ça intéresse les gens pour l'instant. Vous allez voir, ils vont tous sourire. Vous les allez voir. Je lance un appel. S'il y a des collectionneurs, nous avons de très très vieilles revues. Venez dimanche matin. Donnez-moi les montres titres de revues. Elles sont tellement vieilles que là, franchement, je les ai même pas en tête. Non, mais ce sont des revues de 1920, 1930. Ah oui, c'est des. Donc ne jetez plus. Ce que vous avez dans vos greniers, parce que des fois, peut-être que vous pouvez avoir quelque chose. J'avais une question, est-ce que vous prenez également des livres étrangers? Oui, d'accord. Aussi. Nous avons un rayon de livres en anglais, en espagnol, en italien, oui. Est-ce que vous jetez beaucoup? On évite de jeter. Alors, on jette, oui, tout ce qui est abîmé, parce que, bon, ça, on ne peut pas faire autrement. On s'est arrangé pour que ça parte au tri sélectif quand même, pas juste à la poubelle comme ça. Après, on essaie de donner. Je lance un appel aussi. Alors, allez-y, lâchez-vous. Nous avons des livres en bon état. Nous avons des livres récents et moins récents, mais toujours en excellent état. Que nous avons en double, voire triple, quadruple exemplaire. Si une communauté quelconque, une maison de retraite, des hôpitaux, n'importe qui a besoin de livres ou qui a envie de livres, prenez contact avec nous, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais les maisons de retraite. Oui. Et les hôpitaux, mon Dieu, sur la sorgue, les livres, c'était des reliques, ils étaient vieux, ils étaient. Et vous avez également des livres pour enfants? Oui, tout à fait. On a toute une pièce réservée aux enfants. Attention, ça fuse des questions. Une fois par an, vous avez dit que vous faisiez quelque chose. Vous êtes sur la sellette, là. Et est-ce que, justement, le local où vous êtes, vous avez assez de place? Alors là, ça, on commence à être un peu à l'étroit. On a acheté, peut-être une trentaine de bibliothèques quand même pour ranger tout ça. Et quand on voit le nombre de caisses que nous avons encore dans le garage, quelquefois on a peur. Avant qu'on fasse la pause, juste en parlant de bibliothèque, est-ce que vous avez besoin de bénévoles de bibliothèque? Ah, d'accord. De meubles, est-ce que vous voulez qu'on les gens... Non, là on n'a absolument plus la place de les mettre. Mais bon. Des bénévoles, vous avez besoin toujours de bénévoles? Toujours, toutes les associations ont besoin de bénévoles. Bien sûr. Et puis on reviendra sur la question que j'ai posée tout à l'heure, si je crois qu'une fois par an vous avez une manifestation au printemps. Street Rock, on en reparlera. On fait la pause. Allez, on fait la pause avec Obispo. Fly FM. Fly FM. Au cœur des années 90. Donne-moi des nouvelles de nous. Tu vois, rien ne tient plus debout. Donne-moi les règles du jeu. Qu'on joue tous les deux. Chercher FM 89.9 avec Loudy, Pascal, Kisada et Monique. On était en train de parler donc de votre local qui est ouvert le premier dimanche de 9 à 12 sur... De chaque mois. Rappelle-moi l'adresse, c'est un pas de Monteux. De Boulevard Bellecroix. Voilà. Ancienne là, maison vous avez la croix de Saint-Gen, c'est ça ? Il y a la statue de Saint-Gen. Et je crois que vous avez aussi des manifestations annuelles. Oui, tout à fait. Nous avons une dictée tous les ans, au printemps général. Sur le modèle de la dictée de Pivot, par exemple. Oui. Claudie, ça nous rappelle des souvenirs qu'on avait fait. On avait fait, ça n'a rien. À l'Oriole. Oui. Elle a beaucoup de succès et on va fêter les 20 ans de la dictée cette génial. Année. Donc on va peut-être. On est en train de réfléchir comment faire quelque chose d'un peu plus surprenant, on va dire. Voilà, on essaiera d'en parler, nous, de cette fameuse dictée. C'est vrai que c'est très bien. Et puis vous avez, je crois, un tri-troc. Oui, alors ça c'est relativement nouveau. Une fois par an, on appelle les bénévoles, ceux qui sont disponibles, parce qu'en général ça se passe en semaine. Donc il faut que certaines personnes soient disponibles. Les bénévoles viennent nous aider à trier parce que durant tout l'hiver, on stocke les livres qu'on nous donne dans le garage. Et durant tout l'hiver, ils prennent froid, et nous aussi dans le garage. Donc on y met pas trop les pieds. Donc on attend le dégel, on attend le printemps, les beaux jours, pour faire un tri monumental dans tous les livres qu'on nous a donnés, ceux qu'on n'a pas eu le temps de trier tout au long de l'année. Ça, c'est un gros travail, le tri. Hein, c'est un gros travail, c'est pour ça que... Il faut du monde. Donc, on organise une journée conviviale, on va dire. C'est-à-dire qu'on vient nous donner un coup de main, on passe la journée ensemble, on mange ensemble, et ceux qui sont venus repartent avec les bras chargés de livres. C'est des beaux cadeaux. Ils piochent dans tout ce qui les intéresse, en fait. Et je crois que vous avez un vide grenier culturel. Vous l'avez déjà fait ou c'est nouveau? Oui, c'est il a déjà 2 ans. Donc une fois par an, effectivement, on organise un vide grenier culturel. C'est-à-dire que on ne demande pas de chaussures, de bijoux, de vêtements, non. Si vous avez des CD, si vous avez des livres, si vous avez des instruments de musique, des partitions, etc., vous êtes les bienvenus. En général, ça se fait aussi au printemps, on n'a pas encore... C'est le principe du vide-grenier classique. Tout à fait. Seulement, c'est des instruments de musique, c'est de la culture. C'est de la culture. Voilà. Et je crois que vous avez des partenaires. Vous êtes partenaire avec Lire et Faire Lire, qui vient souvent lire pendant la permanence, justement, de ce premier mercredi de chaque... dimanche de chaque mois. Oui. Je ne sais pas pourquoi je dis mercredi, c'est parce que nous, on fait l'émission le mercredi. Parce qu'on est mercredi. Voilà. Hein, On a les bénévoles de Lire et Faire Lire qui viennent tous les dimanches et à chaque manifestation de la SEL, puisque la SEL participe aussi à la foire d'automne, foire de printemps, etc. Donc oui, on a des bénévoles qui passent la matinée avec nous et qui permettent aux enfants qui accompagnent leurs parents de passer un petit moment avec elles en ayant une lecture personnalisée. Et ça permet souvent aux parents d'avoir un petit moment de libre pour fouiller dans les caisses et trouver leur bonheur. En sachant que leurs enfants sont occupés et agréablement attentifs en général, c'est vraiment un plaisir. Ah oui, c'est impressionnant. Les enfants adorent qu'on leur raconte des histoires. Oui, moi, je l'ai fait quand j'étais à la bibliothèque. Je lisais au CP. Tu vois les yeux des enfants, là, c'est magnifique. Oui. J'adore. Les filles, on fait une pause. Voilà. Petite pause musicale avec Adèle. Allez, ciao, ciao, à tout à l'heure. Et on finira avec Fly FM. Fly FM, le meilleur des hits des années 80 à aujourd'hui. nous voilà revenus sur Fly FM avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et Pascal, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un ordre d'idée sur les prix des livres? Je pense qu'on peut venir avec de la petite monnaie et on s'en sort très bien. Tout à fait, oui. Alors, c'est pas compliqué. Pour un livre de poche, c'est 50 centimes. Sachant que pour 1 euro, vous aurez 3 livres de poche. Après, pour les livres brochés, ça peut aller de 1 euro à 5-6 euros maximum. Après, pour ce qui est ce qui dépasse ce prix-là, c'est soit des gros dictionnaires, des grosses encyclopédies, vraiment des choses vraiment très grosses. Mais sinon, voilà, pour 4-5 euros, vous avez de quoi lire. Vous avez On a de plus en plus d'acheteurs et ce sont un peu tout le monde, c'est monsieur tout le monde. D'accord, hein. des jeunes, des moins jeunes. Est-ce que vous avez des livres pour des classiques pour les lycéens, les collégiens? Alors oui, on a des caisses entières de Molière, Balzac, Maupassant. Si vous voulez, non, je lance un appel aux élèves. Et pourquoi pas aux profs quand ils ou aux profs. Venez chercher la caisse et choisissez la quantité. Oui, nous avons vraiment des dizaines et des dizaines de classiques. Donc, et on n'y pense pas. Et on n'y pense pas et voilà, ils prennent la poussière et c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Bon, moi je crois que on va dire pour le moment à Pascal, on la retrouve à la fin. Elle nous redira ses actualités là des jours qui vont venir. Oui. Et je crois que Josie va nous parler d'un film qu'elle aimerait aller voir ou qu'elle est allée voir. Vous pouvez aller voir parce que justement on était en train de parler des ados. C'est sur les ados. Et c'est Tamara. Je ne connais pas. C'est Tamara, c'est un film qui a été présenté en 2016 à la 9e édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Il est sorti donc ce 26 octobre, il dure 1h40, c'est une comédie. Et c'est Alexandre Castagnetti qui fait ce film. C'est avec Héloïse Martin. Alors elle, effectivement, c'est son premier grand rôle au cinéma. Enfin, bon, son premier rôle, on va dire. C'est avec Sylvie Testune, où on la connaît. Mm-hmm. Ryan Bensetti. Alors, vous le connaissez, mesdames. C'est un joli jeune homme qui a fait des apparitions dans Joséphine, Ange gardien. S'il est joli, alors on le connaît. Et dans Clem. D'accord. Si vous avez vu Clem, brun. Donc, c'est une série. Donc, c'est Tamara. Alors, Tamara, elle a des kilos en trop, cette jeune fille. Et puis, elle n'est pas bien dans sa peau. Donc elle arrive tout juste au lycée et elle a décidé de s'imposer parmi ses camarades. Alors qu'est-ce qu'elle décide? Elle décide de dire, le premier garçon qui passe à la porte de la classe, je vais le séduire. Manque de peau, heureusement pour elle peut-être, c'est le plus beau garçon de l'école. Eh ben dis donc. Et donc c'est Ryan Benzetti qui joue ce rôle-là. Donc il s'appelle Diego, elle en parle à sa meilleure amie. Et voilà. Ça se passe dans un lycée? Voilà, alors ce film traite les problèmes de l'adolescence, les problèmes qui sont liés aux parents et aux ados. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? C'est touchant, c'est drôle. Non, peut-être aussi. Hein? Parce que tu dis qu'il a été un peu costaud, c'est pas aussi. Voilà, aussi. Sur le poids. Sur l'apparence. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je. Alors, attends, pop. En plus, sa maman, à ce moment-là, elle a un amant, donc tout ça. Oui, bon, ça parle aussi des parents, hein, ouais, qui peuvent sûr, avoir des problèmes. Une vie. Donc, bien sûr. C'est un film à aller voir. Avec les enfants, les ados. Et les parents. Et les grands-mères. Est-ce que je vous parle d'un livre? Moi, c'est un livre sur l'apparence. C'est Riquet à la houppe, le dernier livre d'Amélie Nothomb. Ah ben, elle a l'habitude de nous pendre un livre par an, hein, cette chère Amélie. Moi, j'adore. Il y en a qu'un que je n'ai pas aimé d'elle. Bon, c'était la biographie de la fin. Je crois que je n'avais pas aimé. Mais les autres, je les adore. J'attends qu'elle le sorte. Et tous les mois de septembre, on est à droit. Voilà. Donc, Amélie dit « L'art a une tendance naturelle à privilégier l'extraordinaire. » Bon, disons que ce roman est une œuvre d'art. Enfin, moi, j'aime bien Amélie, j'aime bien son vocabulaire très riche. Bien sûr que Riquet à la houppe, c'est le conte revisité de Charles Perrault. Et pour débuter la rentrée, il n'y a rien de meilleur que Amélie. Ses personnages ont des noms amusants. Par exemple, le héros s'appelle Déodate, qui veut dire aimé de Dieu. Voilà. Donc, elle nous conte l'histoire de ce garçon. Si affreux, le pauvre, que ses parents le coupent lui du monde et eux aussi, tant ils ont honte de lui. Mais il est si intelligent, si au-dessus des autres, que de sa différence, il en retire une force. Même à l'école, où il se sert donc de cette intelligence pour avoir la paix durement gagnée, le pauvre, parce que franchement, il était tombé sur des... Enfin, vous savez ce que c'est, les cours d'école. Ben, en général, il ne se fout pas de gâteau, malheureusement. Voilà. Entre eux. Donc, il devient obsédé par les oiseaux qu'il trouve plus passionnants que les humains. Et il tombe amoureux d'une fille, Trémière, si belle, mais si contemplative, qu'elle est un peu bébête aux yeux des autres et même de ses parents. Heureusement qu'elle a une grand-mère qui est une sorcière et qui lit l'avenir aux gens. Et conte, ça fait oui, penser à un conte. C'est un conte, oui, oui. C'est le conte revisité de Riquet à la Houppe. Alors, cette grand-mère, elle est obsédée par les bijoux. Elle lit l'avenir dans un château, tu sais. Ça fait penser un peu à Halloween. Voilà. Ouais. Ces deux êtres, Déodate et Trémière, que tout oppose, finalement, ils vont se rencontrer, ils vont s'aimer. Donc, on y retrouve de l'auteur, tout ce qui nous régale et qui fait sa différence. Elle a une imagination, elle a un vocabulaire riche. Et c'est vrai, un conte qui dit que l'apparence, c'est vrai dans notre monde, et c'est important, c'est trop important même. Ils vont pas au fond de l'être humain. Et derrière, il y a un trésor caché. Voilà, tout à fait. Donc, ce livre d'Amélie, il est très très court. Hein. Souvent, là, depuis quelque temps, elle fait des livres un peu courts. C'est comme une bonne coupe de champagne, une boisson qu'elle adore. Et moi, je dirais que c'est comme un bonbon qu'on suce avec délectation. À tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Fly FM. voilà revenu sur Fly FM 89.9 et comme nous continuons dans la culture dans l'émission Bric-à-Brac-à-Idée, je vais vous parler d'une rencontre littéraire avec Marie-Sabine Roger. C'est une auteure. Donc ça se passe samedi 5 novembre à 15h au pôle culturel Camille Claudel à Sorgues. Elle a été choisie par les membres du café littéraire. C'est une auteure jeunesse, moi je la connais bien. Son dernier roman s'appelle Dans les prairies étoilées. C'est joli hein, comme titre, Dans les prairies étoilées. Oui. Et de l'ensemble de son œuvre, en plus, elle va nous parler de ce livre et de l'ensemble de son œuvre. C'est une ancienne enseignante, c'est dur à dire. Elle a commencé à écrire à l'adolescence. Voilà. Ses livres abordent des sujets graves, mais toujours avec une pointe d'humour et de légèreté. Elle a écrit en autre, La tête en friche. Moi, je l'ai lu, c'est pour adultes, ça, La tête en friche. C'est un livre très, très, très intéressant. Voilà. Elle promeut et facilite ses actions auprès des enfants, à travers le respect d'autrui. Son ouvrage, dont La tête en friche, est sorti en 2008. Et son deuxième titre, Vivement l'avenir, était sorti en 2010. Elle a obtenu le prix des Hebdo en région et le prix Andy Livre. Voilà, ça a pas ordonné sujet grave, mais avec humour et quand même légèreté. Voilà, c'est à Camille Claudel, le pôle culturel, samedi 5 novembre à 15h. Où ? Au pôle Camille Claudel à Sorgues. À Sorgues. Voilà. Eh ben moi, si tu veux, on va aller à Pernes. Ah ben voilà. Parce qu'on a parlé lecture, cinéma, ben on va parler théâtre. Très bien. À Pernes, les Fontaines et les Fontaines du Rire qui ont lieu du 5 novembre au 6 novembre au Théâtre de Boulevard proposé par l'ACAP, l'Association des commerçants et des artisans de Pernes. Et à 20h30, donc c'est samedi, et à 16h aussi le dimanche 6 novembre, aux Augustins, vous avez des pièces de théâtre. On commence samedi à 20h30, qui propose ne promène donc pas toute nue. Et pas folle la guêpe et le barrage des coudoulets, pièce de théâtre avec les baladins des fontaines. Le dimanche à 16h, vous avez deux courtes pièces et en deuxième partie, Paparazite, des baladins des garrigues. Le tarif, c'est 10 euros, 5 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans. Il ne faut pas réserver, ça ne sert à rien. Les premiers arrivés auront les meilleures places et vous pouvez téléphoner pour avoir plus de renseignements au 04 90 61 45 18 ou alors vous allez sur le site www.acap84.com. Pièce de théâtre sur Pernes les Fontaines le 5 novembre et le 6 novembre. Voilà, on est toujours dans la culture. Donc, nous aussi, le samedi 5 novembre, c'est à la Traversée des Arts. C'est la journée porte ouverte. Donc, ça se passe de 10h à 19h. Les ateliers des artistes et artisans sont ouverts. Et à 12h30, il y a l'Auberge Espagnole, 15 rue Porte Magalone. Le principe, visiteurs et artistes se retrouvent autour d'un repas pour lequel chacun amène quelque chose. Voilà, c'est ouvert à tous. Renseignements sur la page Facebook de la Traversée des Arts. Et la visite, vous aurez une visite guidée à 14h30. Rendez-vous place Alphonse Reynaud. Je pense que ça peut intéresser de venir voir un peu. Hein, parce qu'on a quand même quelques artistes avant eux, entre autres Ismaël Costa, Fred Schendel, Chantal Jiming, etc. etc. Je m'en parle souvent, mais je ne vois pas ce qu'ils font. Voilà. Eh bien, il faut y aller. Mais Claudie, on va y aller. Hein? Là, par contre, on va aller à la pause. Voilà, on va à la pause. Fly FM, le meilleur des livres. Fly FM. Au cœur des années 90. C'est pas encore notre aventure Audrey Delors. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es le seul qui reste planté à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Tout de toi, je serai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, Je m'attrape tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile. Je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Voilà, nous sommes revenus sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées. Et je voulais vous dire que nous avons un partenariat avec le Théâtre du Sablier et nous avons deux places à gagner. Ça s'appelle La Nuit juste avant les forêts. Ça se passe le vendredi 18 et le samedi 19 novembre. Voilà, si vous voulez gagner une place, vous téléphonez à 10h ou... Oui, là maintenant 11h si vous avez envie, ou alors ben, vous prenez contact avec nous sur notre page Facebook et on vous répondra. Voilà. Et je voulais vous dire que samedi aussi le 5, alors c'est vraiment en charge, il y a la Mix Art, c'est au Bélano, sur l'île de la Barthelasse. C'est après le succès de cet été, la Mix Art revient avec des artistes. Alors il y a Pépita, artiste peintre, Aurore Dufeutrel, artiste dessin, photographe. DJ, les artistes se rencontrent de 18h à 19h et après c'est bon, tous ceux qui veulent y aller, l'entrée est libre et gratuite exceptionnellement. Voilà, réservation au 06 99 34 99 65. 06 99 34 99 65. Voilà. Bon, moi, c'est plus dans l'esprit, on s'oxygène. Il faut s'oxygéner. Vous avez ce week-end à Monteux, le samedi 5 et donc le dimanche 6, l'Office français des loisirs organise un stage d'initiation à l'orientation en randonnée, utilisation des cartes et des boussoles, etc. à Monteux. C'est ouvert à tous à partir de 18 ans révolus, pratiquant randonnée, pédestre, à cheval, VTT ou 4x4. Et à l'issue de ce stage sera délivré le brevet de l'Office français des loisirs attestant la formation reçue en ce domaine. Renseignements et inscriptions au 06 03 50 11 94. Tu veux parler de course? Non, on continue. Voilà, je crois qu'on va donner la parole à Pascal qui va nous dire son actualité. Oui, je vais vous donner les prochains rendez-vous, s'il vous plaît. Alors, le 4 novembre à 18h30 à l'Office du Tourisme, nous avons une conférence sur l'huile d'olive. Le 10 novembre à 14h30, offerte au foyer des Têtes Blanches, une conférence sur le maquis du Ventoux. Ah d'accord, très bien. Le 24-25 novembre, nous offrons aux enfants des écoles publiques un conte musical Lyséum. Où ça se passe? À la salle du Château d'Eau. D'accord. Nous avons la vente du premier dimanche du mois qui est décalée exceptionnellement en décembre au deuxième. C'est-à-dire, en fait, le samedi 10 décembre toute la journée et le 11 décembre le matin. On le redira, oui, voilà. Régulièrement. Et sinon, en partenariat avec Soif de Culture, toujours, nous avons le spectacle... Le spectacle de Noël, le 19 décembre à 15h, pour les enfants, à la salle des fêtes du Château d'Eau aussi. C'est un spectacle qui parle de quoi ? C'est... Je ne veux pas dévoiler. Ne dévoilons pas. Ne dévoilons pas. Secret. Oui. Voilà, oui, j'ai vu le spectacle, mais c'est vrai. Le programme détaillé sera communiqué ultérieurement. Oui, donc, on en parlera. Voilà, il n'y a pas de problème. On fait une petite pause. Allez, et après, Monique va nous faire courir. Et voilà, courir, sport, sport. Avec Stéphane Plaza. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. Visit my world. Come here and visit my world. Did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. Dance with me one more time. Visit my world, did history, shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Je devais attaquer par les courses à pied, mais choisis une petite info à donner. Alors je te laisse. Allez, j'y tiens. Allez, si mesdames surtout, si vous cherchez à vendre votre appartement, sachez que début décembre, M6 viendra à Avignon. Alors à partir de ce jour et durant 3 semaines, la production cherche des personnes recherchant à acheter un bien immobilier afin de bénéficier de l'aide de Stéphane Plaza, les gamines. Oui, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. C'est l'idole de Josie. Elle est bien amoureuse. Bon, Stéphane. Si tu nous entends, on te reçoit, on t'interview. Quand tu veux. Pour trouver une maison, un appartement, et vous êtes, si vous êtes intéressé, ben vous allez sur le site chasseur d'appart, ça se tient, pas d'apostrophe, .avignon@gmail.com pour s'inscrire. Monique, elle vient pas à tes courses par hasard, parce que moi je viens là. Je cours derrière. Là, tu mets au sport du coup. Je sais pas, je trouve pas trop sportif. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne. Je suis fille de l'eau qui dort. Exactement. Allez, on passe au sport. Alors, moi, je vous propose quelques courses à pied. Le 5 novembre, vous avez le 10 km d'Isle-sur-Sorgue. C'est une course qui se passe l'après-midi à partir de 14h30. Le 11 novembre, la course de la colline, c'est à Orange. Vous avez 80% de chemin. Le départ est à 10h30 et c'est un 12 km. Le 15 novembre, à Vaison-la-Romelle, vous avez la Bacchanale. C'est un 11,45 km avec passage dans le théâtre antique et le site archéologique. Et le départ se fait à 10h. Oh, en plus, voilà. On visite les ruines. C'est quelques-unes que j'ai sélectionnées. Ouais, après, vous avez. Oui, il y en a, c'est vrai. Voilà, voilà. Là, ça commence. Oui, il y en a pas mal. T'as la chance, toi, pour choisir les trucs. Hein. Après, je vous parle de VTT. Le 6 novembre, vous avez la randotone. C'est à Nyon, ça fait un peu loin, mais bon, c'est la 5e édition. Vous avez un 9, un 25 et un 37 km. Donc, toujours pareil. C'est joli, Nyon. Distance pour les avertis. Toujours pareil. Vous avez également le trophée des 3C à Congenies, c'est dans le Gard, il me semble, dans le 30. Alors, c'est un vétathlon. Alors, le système du vétathlon, c'est moitié... C'est Congenies. Congenies. Ouais, je ne connais pas du tout. Ouais, c'est dans le Gard. Ouais. C'est un vétathlon. Ouais. Le système du vétathlon, c'est des deux épreuves VTT et course à pied. Sur la... Qui se suivent? Ben, tu démarres avec la course à pied, après c'est le VTT, d'accord. Tu finis par la course à pied. Donc, tu peux le faire en solo ou en duo. Donc, il y a trois épreuves de course. C'est autour de l'Avonage. Donc, je suppose que c'est une petite rivière. Petite rivière ou un petit lac. Je ne sais pas. Voilà pour les courses de pied, course à pied et VTT. Donc, je vous parle de la diffusion de vendredi. Donc, c'est rediffusé vendredi à partir de 14h. Voilà, à partir de 14h, cette émission de bric-à-brac est rediffusée donc vendredi à partir de 14h. Et mercredi prochain, donc le 9 novembre, nous recevons Bruno Solari avec ses Miss. Alors, je ne sais pas s'il y a des Miss et des Misters. Il m'a parlé de Miss. Il a parlé de Miss. C'est pour les messieurs. Messieurs, de l'association écoutez-nous. BHF. Voilà pour la parler rediff. Du salon du mariage. Voilà. Et nous avons fini l'émission d'aujourd'hui. On remercie Pascal d'être venu. Merci à vous. Je crois qu'on a appris plein de choses. J'espère. J'espère que les auditeurs aussi. Et on soutiendra vos manifestations. Voilà, allez acheter des livres à Monteux. Merci beaucoup. Dimanche, donc on peut pas dire la journée porte ouverte. C'est la matinée. La matinée. Voilà. Vous allez faire le marché, vous vous arrêtez, vous achetez un livre, c'est vous repartez à la maison, vous mettez devant votre fauteuil et c'est super. Voilà. Devant la cheminée. Rendez-vous donc dimanche de 9h à 12h, 2 boulevard Valcroix à Monteux pour acheter des livres à prix compétitif. Et nous mercredi prochain. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Ciao. Au revoir.